Chapitre 15. René Beauchamp déroula le fil de cuivre de l'antenne et l'accrocha au tableau de la chambre. Puis il coiffa son casque, chercha la fréquence, attendit le moment exact d'émettre en surveillant sa montre. Pendant ce temps, Mathilde guettait à la fenêtre, au grand dam de Rachel qui trouvait que ça refroidissait tout l'appartement. La poitrine par-dessus le garde-corps. Mathilde inspectait alternativement les deux côtés de la rue. René commença à émettre. Dans le fourgon, le casque sur les oreilles, les yeux rivés sur le compteur d'intensité et la boussole, l'opérateur Goniot était attentif à la moindre variation. « Ça y est, j'ai quelque chose. Continue, à droite banc. Oui, c'est bon. Attends, ralentis. Tourne à gauche. Doucement. Oui, oui, vas-y, encore. Attention, c'est là, on y est. » Le chauffeur scrutait les maisons de la rue. Il y avait une femme à la fenêtre. Elle nous a vus. Elle est rentrée précipitamment. Ça doit être là. Allez, on y va. Aussitôt, le fourgon stoppa devant l'immeuble. Derrière, quatre hommes sautèrent du Kübelwagen qui suivait, et tous s'engouffrèrent dans l'entrée, le sous-officier en tête. Mathilde se rua dans la chambre. Plie tout, ils arrivent. Nous sommes repérés. Vite, vite. René arracha l'antenne, ferma précipitamment la valise et hésita un instant. Pris d'une inspiration soudaine, il ouvrit la porte de Mademoiselle Delabarre, jeta la valise à l'intérieur et referma. Déjà les soldats montaient l'escalier 4 à 4. Nez en l'air, ils essayaient de se repérer par rapport à la façade. « C'est au deuxième étage, » dit le sous-off en menant ses hommes. Marcel les suivit aussi vite que sa jambe le lui permettait. La soudaineté de l'attaque ne lui avait permis d'alerter personne. Il tambourina chez Louis pour le prévenir. Parvenu devant les portes de chez les Beauchamp et de Mademoiselle Delabarre, le sous-officier hésita et décida d'ouvrir celle des Beauchamp. René n'avait pas fermé à clé et les quatre occupants de l'appartement jouèrent la surprise en voyant débarquer le sous-officier. D'emblée, il reconnut Mathilde et l'attrapa par le bras en commençant à la secouer. « Alors, je vous ai vu. Inutile de nier. Où est le poste ?» Pendant ce temps, les autres se livraient à une fouille en règle, lidant les armoires et les placards, déplaçant les meubles. Même Rachel fut jetée à bas de son fauteuil pour vérifier qu'elle ne cachait rien sous elle. Au fur et à mesure que les secondes s'égrenaient, la colère des nazis augmentait. Ne trouvant rien, le sous-officier balança une première gifle à Mathilde. René, tentant de s'interposer, reçut un coup de poing sur le nez. « Où est le poste? Parlez! Je sais que c'est là! Pourquoi vous êtes rentré si vite, hein? J'avais quelque chose sur le feu qui commençait à brûler. » « répondit Mathilde. « Tiens !» rugit le sous-officier en faisant claquer une autre gifle. « Ça aussi, ça brûle !» Les coups continuèrent à pleuvoir, cette fois sur chacun des quatre occupants. Bientôt, le vacarme fut intenable. Louis et Marcel, devant l'entrée, assistaient impuissants à ce drame qu'ils avaient pourtant prévu. Au bout de longues minutes, Jeanne Delabarre fit son apparition devant la porte, une valise à la main. « Messieurs, messieurs » dit-elle à voix forte. « Vous vous êtes trompés de porte. « C'est cela que vous cherchez ?» Et se disant, elle posa la valise dans le vestibule au pied des soldats. L'un d'eux l'ouvrit et montra le poste émetteur aux autres. Surpris par l'apparition imprévue de Mademoiselle Delabarre, chacun des protagonistes resta muet. Louis, qui savait pertinemment qu'elle se sacrifiait, ne se doutait pas que la vieille fille fût courageuse à ce point. Devant cet acte de bravoure téméraire, ceux qui la connaissaient avaient les larmes aux yeux. Elle, impavide comme à son habitude, affichait une tranquille sérénité, comme si elle venait d'accomplir un acte banal. Déjà, elle tendait les mains pour qu'on lui passât les menottes. Elle ne demanda même pas à prendre quelques affaires, et Louis savait bien pour quelle raison. L'aviateur anglais devait déjà avoir récité ses dernières prières. Dans un ultime élan, René s'élança vers elle et cria « Non, ne faites pas ça !»« J'ai joué avec le feu, et j'ai perdu. Je ne laisse personne derrière moi, » répondit-elle. Alors que le soldat poussait René de la crosse de sa mitraillette. Contents de leur prise, les Allemands dévalaient déjà les marches, emportant Mademoiselle Delabarre comme un fétu dans la tempête. Parvenue en bas des marches, elle cria, à l'adresse de Louis, « Donnez mon piano à votre fils, docteur !» Un silence lourd de chagrin et d'émoi s'abattit sur le groupe. Personne n'eut le courage de prononcer une parole. Qu'aurait-on pu dire, d'ailleurs? Mademoiselle Delabarre, par son geste héroïque, venait de sauver au moins 5 personnes, l'Anglais, le couple Beauchamp et le couple Meyer, que les Allemands auraient fini par arrêter et torturer. pris d'une envie de vengeance pour calmer son émotion, Louis entra chez Mademoiselle de la Barre. « Get out! She sacrificed herself for you! » Elle s'est sacrifiée pour vous. Le sacrifice de Mademoiselle de la Barre n'était pas seulement que pour l'anglais d'ailleurs, mais il fallait que quelqu'un subît la colère de Louis. L'aviateur se tenait penaud au milieu de la pièce, les bras ballants, hébété du malheur qui venait de s'abattre sur eux. « Bon, vous n'allez pas moisir ici, je vous le dis. Ça commence à bien faire tout ça. » Puis, saisi d'un soudain élan du cœur, Louis ouvrit le clavier et posa une main sur les touches que Mademoiselle de la Barre avait si souvent caressées. Pour Louis, l'acte d'héroïsme de Mademoiselle de la Barre fut le catalyseur qui venait de le conduire à la participation volontaire et réfléchie à la résistance. Jusque-là, il s'était senti entraîné et contraint. Désormais, c'était sans arrière-pensée qu'il allait passer à l'action. Sur les 7 heures du matin, la brume s'est élevée sur la gare de Bobigny, mais le plafond était bas, lourd d'une humilité grasse qui huilait les choses et les gens, atténuant les bruits et les contours du décor. Le train venait d'être formé et la locomotive suintait sa vapeur de temps à autre, de place en place, tout le long de la quinzaine de wagons à bestiaux. Des soldats SS montaient la garde, mitraillaient aux côtés. Un chien manifestait quelquefois sa mauvaise humeur, rudement rappelé à l'ordre par son maître. On attendait la cargaison de juifs qu'on amenait de la cité de la Muette. Tout était prêt. Les wagons étaient ouverts. Les sentinelles s'étaient assurées qu'il n'y avait aucun témoin. Pas de temps mort. On était maintenant bien rodés. Le boulot était effectué par des professionnels expérimentés et consciencieux. Pas d'état d'âme. De la marchandise comme n'importe quelle marchandise, des animaux comme n'importe quel bestiaux. Le Hauptsturmführer Werner patientait en tête du train, se battant les bottes de sa cravache, la casquette rejetée en arrière, consultant sa montre pour vérifier que le train partirait bien à l'heure prévue. Soudain, un coup de sifflet déchira le silence et aussitôt, une file de camions apparut à la queue du train. Hommes, femmes, vieillards, enfants, commencèrent à sauter des camions plutôt qu'ils n'en descendaient. Ceux qui tombaient à terre étaient immédiatement remis sur pied par le col de leur habit, voire par leurs cheveux. Le convoi de camions possédait son propre service d'ordre et les soldats le long du train attendirent que les prisonniers fussent poussés devant les wagons. Leur tâche consistait à surveiller la manœuvre et éviter tout incident lors du chargement du train. On commença à remplir le dernier wagon et de proche en proche, les autres voitures se remplirent. Quelques prisonniers tombaient en montant. Certains soldats les aidaient en les soutenant par les bras. D'autres tapaient jusqu'à ce que le prisonnier se relevât. Werner surveillait nerveusement la manœuvre, la ponctuant de « Schnell, schnell !» En 10 minutes, le train fut plein, l'opération presque terminée. Des gens enfermaient les portes des wagons sur des visages hagards, fatigués, résignés, certains ayant déjà supporté l'insoutenable. Peu de cris, quelques gémissements, les camions se retiraient en bon ordre. Soudain, devant Werner, la porte mal fermée du wagon se rouvrit, une tête de femme apparut, semblant aspirer goulûment l'air frais, la bouche ouverte, les cheveux défaits tels une gorgone. Sans précipitation, Werner sortit son Luger et lui logea une balle en plein front. À l'intérieur du wagon, quelqu'un eut le réflexe de pousser le corps de la femme sur le quai. D'autres prisonniers tentèrent de descendre du wagon en hurlant. Ces cris de révolte alertèrent les occupants des autres wagons qui réussirent à rouvrir les portes non encore verrouillées. L'hystérie collective gagna tout le convoi alors que la loco commençait à avancer. Pris d'une rage soudaine, Werner ordonna de tirer dans le wagon devant lui. Un soldat mitrailla la paroi à une hauteur d'un mètre du plancher. Aussitôt des hurlements de douleur remplacèrent les vociférations de colère, excitant les nerfs déjà tendus de la troupe, réveillant la bête qui sommeillait en chacun des SS. Werner, proche de la transe, faisait signe d'une main au chauffeur du train de continuer, de l'autre, encourageait tous les soldats le long du train à tirer dans les wagons. Cet ordre fut exécuté par plus de la moitié des hommes, les autres ne comprenant pas ce qui se passait. Des filets de sang sourdaient au bas des portes, et le mitraillage dura jusqu'à ce que le dernier wagon, ayant essuyé les tirs de toute la colonne et ne contenant plus que des morts, fut hors de portée. Un silence pesant suivit. Les soldats étaient hébétés, certains pleuraient, d'autres ricanaient bêtement pour se donner contenance. Seuls les chiens tiraient parti de la situation en léchant les traces de sang le long du quai. Les sous-officiers eurent du mal à remettre la troupe en ordre pour quitter le théâtre du drame. Bernard vérifia la propreté de ses bottes et de son uniforme. L'endroit redevint calme et désert. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fit grand bruit dans les casernes et les états-majors allemands. Les mois provenaient non pas de l'assassinat de juifs sur le sol français, mais du fait qu'à l'arrivée à Auschwitz-Birkenau, les responsables des camps avaient dû faire procéder à l'évacuation de centaines de cadavres et au nettoyage des wagons dans une odeur insoutenable. Dans les gares où le train s'arrêtait normalement, personne n'avait le courage de vider ses wagons ou mettre les cadavres. On n'était pas équipé pour traiter un tel problème et chacun rejetait la solution sur la gare suivante. Les Juifs n'étaient pas destinés à vivre longtemps, certes, mais la procédure n'avait pas été respectée et les officiers chargés de l'acheminement ne devaient pas faire n'importe quoi. Les responsables des camps se plaignirent que leur tâche était déjà suffisamment difficile comme cela. Des sanctions s'imposaient. À Paris, Werner fut convoqué à la Kommandantur et sommé de s'expliquer. Pour sa défense, il allégua qu'il ne comprenait pas de quoi se plaignaient les commandants de camp, puisqu'ils n'auraient ni à nourrir ni à s'occuper des prisonniers. Responsable du matériel roulant, le major Müller tempêta et demanda que le capitaine Werner fût puni pour destruction volontaire de matériel, les wagons ayant été réduits à l'état de passoire. Werner, dans sa folie, continua à soutenir que, certes, sa méthode avait été sanglante, mais que tuer les Juifs dès le départ était la bonne solution économique et radicale. Il fallait trouver une méthode plus propre et moins bruyante, les gaz peut-être, dans des wagons bien étanches. Beaucoup d'officiers de la Wehrmacht s'indignèrent de ces propos. Beaucoup s'étonnèrent que la punition ou la mutation de Werner vers le front russe ne soit pas immédiate. Aux yeux de Léo, l'officier SS avait signé son arrêt de mort. Un tel monstre devait disparaître. La haine de la barbarie, qu'il avait auparavant réussi à réprimer, venait de le submerger, tel un flot qui vient de rompre les digues qui le contenaient jusque-là. La disparition de cet homme devint pour Léo une obsession, comme si sa mort concentrait à elle seule toutes celles qui auraient été nécessaires. À partir de ce moment, il ne lui fut plus possible de continuer à remplir son rôle sans éprouver de douloureux états d'âme. Il ne dit rien de cet épisode à son entourage français, mais c'était sans compter sur la taupe qui rapporta le drame à Pinault. Voyant l'humeur de Léo changer radicalement, Louis ne tarda pas à faire la relation avec ce massacre. « Léo, tu n'as rien à me dire. Moi, quand je ne me sentais pas bien, je te l'ai dit, souviens-toi. Je suis là pour t'aider à porter ton fardeau. Allez, accouche. » Léo, habituellement très sobre, avala un plein verre de cognac. Il resta muet un long moment, puis finit par déclarer « Ça y est, j'ai dépassé la dose. J'ai atteint le point de non-retour. Je ne peux plus continuer à me mentir, à vous mentir, à agir en désaccord complet avec ma conscience, avec la mémoire des miens. J'aurais dû déserter dès le début, quand je fréquentais Erwin Respondeck et Franz Halder. Respondeck a incité des milliers de Juifs à fuir l'Allemagne, et Halder disait que pour éviter la guerre, il fallait détrôner Hitler. Ils avaient raison tous les deux. C'étaient des types qui voyaient clair. Je les écoutais, mais à l'époque, je n'ai rien fait. » Il réprima un sanglot et prit la main que lui tendait Louis. « J'ai besoin de toi, Loulou. » Cela faisait des années que Léo n'avait pas appelé Louis ainsi, comme il le faisait quand ils étaient tout gosses. « Nous allons réfléchir, ne te décourage pas. Moi, je trouve un côté positif à cette situation. J'ai enfin retrouvé mon Léo. Tu as une idée de ce que tu comptes faire ? Aucune, pour l'instant, à part foutre le camp, mais où et comment ? Si tu fuis au maquis, je pense que tu auras beaucoup de difficultés à t'y faire accepter. Un Allemand, transfuge de surcroît, ne sera pas très bien vu. En Angleterre, n'en parlons pas. Si tu disparais, la Gestapo te recherchera, et tes origines presque alsaciennes les mettront sur la piste. Non, tu vois, je pense que la meilleure solution, c'est que tu continues à remplir ta fonction. Mais d'une autre manière, une manière qui hâte la chute du Reich. Faire de la résistance, en somme, peut-être pas vraiment. Mais jouer les empêcheurs de tourner en rond, il y a mille et une façons de s'y prendre. Comme Mademoiselle de Labarre avait été l'élément déclencheur de l'adhésion inconditionnelle de Louis, Werner, le boucher de Bobigny, fut le révélateur de la conversion de Léo à la résistance opérative. Les deux amis savouraient encore un petit cognac pour faire passer la nostalgie de leur enfance, leur acte manqué, l'incertitude des lendemains, quand Odette annonça Pinault. Il sembla très satisfait de voir les deux amis réunis, surtout devant une bouteille de cognac. « Ah, Major, je désirais justement vous voir. » « Appelez-moi Muller, dans l'intimité. J'oublierai ainsi ma fonction pendant un petit moment. »« Bon, va pour Muller. » « J'ai peut-être une solution pour faire passer notre ami Rosebif et ton juif recherché, Louis. »« Vous m'avez dit l'autre jour, Muller, que vous aviez conservé le wagon truqué dans un hangar. Pourquoi ne pas le réutiliser ?»« Ce serait possible, effectivement. » J'ai gardé des contacts avec des gars des chemins de fer que je côtoyais du temps où j'expédiais des pianos. Je ne leur ai rien dit pour l'instant, mais ils seraient prêts à donner un coup de main. Allez-y, Pino. Dites-nous quelle est votre idée. Comment se présente la cache pratiquée dans le wagon? Je vous l'ai dit, c'est un simple espace d'une largeur d'un mètre environ, pratiqué entre deux parois avec une trappe dans le plancher du wagon. De sorte que plusieurs hommes sont forcés de rester debout ou de s'allonger à tour de rôle sur le plancher pour se reposer, n'est-ce pas? Exact. C'est bien ce que j'avais compris. Alors voilà ce que je propose. Avec du bois qui me reste des pianos, je vais fabriquer quatre chalits qu'on superposera et qui formeront des couchettes. Il faudra se débrouiller à mettre des paillasses dessus. Les passagers pourront ainsi se coucher durant le voyage, ce qui sera beaucoup moins fatigant. Avec quelques provisions, la trappe pour faire ses besoins, ce sera l'Orient Express. Louis et Léo songeaient à tous les Juifs qui avaient effectué un voyage vers la mort, debout ou amoncelés les uns sur les autres, baignant dans la fange et les sanies. La préoccupation de confort de Pino apparaissait presque incongrue, mais après tout, il fallait arriver à surmonter l'horreur présente et continuer à vivre du mieux possible. « Pour les paillasses, dit Louis, j'ai une adresse, un gars que j'ai soigné et qui possède ou possédait une fabrique de matelas. Peut-être qu'avec quelques bifetons appuyés d'un ordre de réquisition, on pourrait obtenir ce qu'il faut. Tu me suis, Léo ? » ?»« D'accord. Mais je vous préviens tout de suite. Pas question de transporter n'importe qui. Et il faudra que les quatre places soient occupées. Autant rentabiliser la prise de risque. »